La faculté de sylviculture vient d'être fondée au sein de l'université Kim Il-sung. Une trentaine de matières de la sylviculture a été déjà établie avec les programmes des cours. On a déjà sélectionné les étudiants et les membres de doctorants qui se mettront aux études à partir du 1er avril prochain. La mise sur pied de la nouvelle base de formation des spécialistes chargés de la création, de la protection, de l'administration et de l'utilisation générale des ressources forestières permet d'opérer un nouveau tournant dans l'entreprise éternelle pour la prospérité du pays.